بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ? فذلك الذي يدعو اليتيم. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين. Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. فويل للمصلين. Malheur donc à ceux qui prient. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Tout en négligeant et retardant leur salat. الذين هم يراءون. Qui sont pleins d'ostentation. ويمنعون الماعون. Et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin.